Jean-Philippe, Colin, à chaque semaine, on te rend un hommage. Oui. T'sais, un fromage. Un fromage. Parce que t'es un gars qui aime les activités, t'sais. T'aimes ça. T'es impliqué partout. Tu t'inclus. T'sais, tu. Pas tu t'incrustes, là, mais quand même. Je suis inclusif. T'es très inclusif. Les bras grands ouverts. Et à chaque semaine, bon, on te présente les péripéties de JP. Oui. Donc, les voici. Épisode 4. Les péripéties de JP, épisode 4. Oh, mieux. Oh, ah, chaud. Oh, c'est bon ça. Oh, oh, ouh, oh, incroyable. Oh, voilà. C'était JP qui mangeait des ailes de poulet. Barbecue, évidemment. Au début, petit moment de déjà-vu. Oui, voilà. C'est la même chose que la semaine passée. Oui, mais la fin est différente. Oui, parce que la semaine passée, c'était que JP faisait des petits regards À Mathieu Plante. Oui. Et là, tu manges des ailes barbecue et ça te fait le même effet, faut quoi? Ben oui, écoute, que ce soit toi ou des ailes barbecue... Qui verrait la différence? Même combat. Même combat. L'important, c'est de recracher les os. Hey, oh. Ah! Cool. Voilà pour les péripéties de JP. Oui. Épisode 5 la semaine prochaine. Oui. Ce sera d'autres choses. Ce sera d'autres choses. D'autres choses. Toujours aussi passionnant. Toujours. C'est ma vie. En fait, vous l'avez bien. C'est comme un téléroman, t'sais. Oui. Ouais. On dirait un soap. Oui, bien propre. Oui. C'est propre ici. Un soap d'aile de poulet. Un soap. Un soap! Oh!